prière. Si tu crois sa terre, pour moi, demande-lui. Demande-lui les clés à du paradis. Dis, Père Noël. Dis, Père Noël. Si tu vois Saint-Pierre. Si tu vois Saint-Pierre. En allant sur terre. En allant sur terre. Surtout, demande-lui. Demande-lui. Les clés. Sans faire de bruit, les verrous, les serrures qui protègent le corps des filles et me font la vie dure. Ah. L'agrafe qui n'ouvre jamais, la fermeture. Mal intentionné, bon Père Noël, bon Père Noël, en allant sur terre, en allant sur terre, si tu vois Saint-Pierre, si tu vois Saint-Pierre, pour moi demande-lui, demande-lui, les clés du paradis, du paradis. En allant sur terre, si tu vois Saint-Pierre, surtout demande-lui, demande-lui les clés du paradis. Si ces clés ne sont pas de bois, elles m'ouvriront le cœur de celles qui savent chasser le froid du lit d'un pauvre pêcheur qui vous demande de déposer dans ses souliers une paire de clés. Si tu vois Saint-Pierre, en allant sur terre, en allant sur terre, pour moi, demande-lui, demande-lui, les clés du paradis.